pas dans le rétro. Chez moi les jeunes font des assauts. Un gros popo dans le patio. Le lendemain en talasso. Équipe mentale romanzo. Mais ça met pas dans le naso. J'mets plus un pied dans la zone. Ils sont tous devenus maso. Tu m'as mis des couteaux dans le dos. T'es devenu un poudre mon bro. Tu m'as mis des couteaux dans le dos. T'es devenu un... On se laissera pas faire. Riche même pas terre. À terre même sous terre. On oublie sous terre. J'veux vendre 110 millions de CD comme Johnny Hallyday. J'veux remplir le vel comme Johnny Hallyday. J'crois que tout ce qui m'arrive là c'est mérité. Ils disent qu'ils veulent, j'fais de la qualité, de la quantité. Tu m'as cassé le cerveau, c'est pas des lol. J'te vois plus sous vos vols, c'est pas des lol. Ah, c'est pas des lol. Et les shit et les mandats, c'est pas des lol. Et la vodka, il coûte un bras, c'est pas des lol. C'est pas des lol. Bla bla bla. J'retiens moi, j'suis tout seul. J'vais où le vent mène, pas de boussole. Ça vole, ça fait du recel. Ça gratte, ça fait des boussoles. Ce qui m'aime plus vend des poussettes. J'm'en fous de, j'vis des plus secs. Tu la vis frotter en boîte. Avec toi, elle fait la pucelle. Putain, je l'aime la musique. À en devenir un musique. J'vais faire tipper, j'vais repartir. Comme Ribéry à Munich. Mon flow, ma voix unique. J'vais bouger, t'as l'air remique. Quand tout méchant, on te tube. Quand t'es gentil, on te nique. Quand t'es gentil, on te nique. Quand t'es gentil, on te nique. Tu m'as cassé le cerveau, c'est pas des lol. J'te vois plus sous vos vols, c'est pas des lol. Ah, c'est pas des lol. Et les shit et les mandats, c'est pas des lol. Et la vodka, il coûte un bras, c'est pas des lol. C'est pas des lol. La team, j'compte plus les platines. Tu connais gros, y'a rien sans rien. Sur vêtements d'or et platine. J'pilote scooter italien. J'prends des contacts dans le dos. Genre ils font tout solo. Tu dis que j't'en pas la mano. T'as comme un follow. J'fume le poison avec le flash dans la boisson. Un bras la caution de cette putain d'élocation. J'suis pas un voyou, moi. J'fume que du son. Elle se ramène la moule à tort. J'te nique, tu me piques, j'te pique. Tu me cherches, j'te nique, tu me piques, j'te pique. Fric, fils, accroche trafic. Flic, pisse, que j'fais de ma vie. Critique, c'est ce qu'on m'a dit. Pour les suites, pas de sympathie. J'branche la passante, j'lui dis tu vas où. Quand y'a rien patiente, reste comme t'es quand t'as tout. Et quand t'as tout, fais confiance à des gains. Pour toi même les vrais qui sont là, quand t'es pas bien. Confiance à des gains. Pour toi même les vrais qui sont là. Quand t'es pas bien. Tu m'as cassé le cerveau. C'est pas des lol. J'te vois plus sous vos vols. C'est pas des lol. Et les shit et les mandats. C'est pas des lol. Et la vodka il coûte un bras. C'est pas des lol. C'est pas des lol, lol, lol. C'est pas des lol. C'est pas des lol, lol, lol. C'est pas des lol. Et la vodka. C'est pas des